Ce matin, la fabrique plonge dans le XVIIIe siècle et ses suites avec deux historiens qui donnent aux Lumières un rôle central. Pour commencer l'émission de ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir l'historien du livre et de la censure Robert Darnton qui publie en même temps deux ouvrages aux éditions Gallimard. Le premier, De la censure, essai d'histoire comparée, est le résultat de plusieurs conférences données il y a quelque temps à la British Library. Le second, L'affaire des 14, traite d'une enquête policière qui, au milieu du XVIIIe siècle, poursuit sans succès l'auteur de rimes se moquant de Madame de Pompadour, ce qui permet à Robert Darnton d'éclairer des questions aussi essentielles que l'opinion publique et la rumeur avant la Révolution française. Puis en deuxième partie de cette émission, avec Perrine Kervran, nous ouvrirons notre semaine sur l'histoire des sensibilités en recevant l'historien Georges Vigarello, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, pionnier de l'histoire du corps, qui publie dans la collection L'univers historique au seuil, Le sentiment de soi, histoire de la perception du corps, dans lequel il procède à une généalogie entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui, de l'idée commune aujourd'hui selon laquelle on se dit par exemple « je sens, donc je suis ». Vos façons nobles et franches, Iris vous enchantez nos cœurs, sur nos pas vous semez des fleurs, mais ce sont des fleurs blanches. Bonjour Robert Darnton. Bonjour. On écoute ce petit extrait d'un cabaret électronique, c'est comme ça que vous avez appelé cela, qui est un enregistrement d'Hélène Delavaux, chanteuse bien connue sur France Culture, accompagnée à la guitare par Claude Pavy. Vous avez demandé à Hélène Delavaux d'enregistrer les chansons que vous avez retrouvées sur des petits bouts de papier, sur des archives qui étaient des archives mineures, pourrait-on dire, considérées souvent comme des archives mineures, que souvent portaient sur eux-mêmes des séditieux du XVIIIe siècle. Vous êtes spécialiste de cette histoire du livre, de la censure et également de la sédition au XVIIIe siècle. Et ils avaient ces petits morceaux de papier sur lesquels quelques vers étaient écrits. Et ces vers, ces odes, étaient des odes de contestation du roi la plupart du temps. Et c'est au cœur de votre dernier livre, L'affaire des 14, poésie, police et réseau de communication à Paris au XVIIIe siècle, qui vient tout juste de paraître dans la collection NRFSC chez Gallimard. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ces quatre vers, en l'occurrence chantés par Hélène Delavaux, qui a priori nous apparaissent comme des vers extrêmement anodins, sont en fait une attaque contre le roi. Par vos façons nobles et franches, Iris, vous enchantez nos cœurs, sur nos pas vous semez des fleurs, mais ce sont des fleurs blanches. Effectivement, ce poème a fait chuter le ministère Maurepas. C'était l'événement le plus important dans la politique à mi-siècle. Tous les contemporains sont d'accord. Quelle était la cause de la chute du ministre qui occupait sa place depuis 36 ans? C'était vraiment un pilier du système politique français à cette époque-là. Il était ministre de la Marine, mais surtout de la Maison du Roi. Donc, une sorte de ministre de l'Intérieur, un homme puissant. Et subitement, il est exilé. Pourquoi ? Tous les contemporains sont d'accord à cause des chansons et d'une chanson en particulier, celui qu'on vient d'entendre. Alors, je m'explique. Par vos façons nobles et franches, Iris, c'est en fait Madame de Pompadour, mm-hmm. Vous enchantez nos cœurs, sur nos pas, vous semez des fleurs, mais ce sont des fleurs blanches. Alors, il y avait un dîner dans les petits appartements à Versailles, dans l'intimité. Il n'y avait que le roi, Madame de Pompadour, sa cousine et le ministre Maurepas. Et au début du dîner, Madame de Pompadour a donné des hyacinthes blanches à tout le monde, un geste un peu d'accueil. Oui. Alors, il n'y avait que Maurepas qui connaissait cette scène. Et en fait, c'est un jeu de mots. Donc, sur nos pas, vous semez des fleurs, donc les hyacinthes qu'elle a distribuées, mais ce sont des fleurs blanches, fleurs fluor blanches. En fait, il s'agit d'une maladie vénérienne que la Pompadour a dû donner comme cadeau au roi. Et c'était un peu fort, même pour les mauvaises langues de Versailles. Et ça veut dire que M. de Maurepas était connu justement pour aimer ce type de poésie, aimer ce type de jeu, pourrait-on dire, littéraire au sein oui. de la cour, qu'il en régalait d'ailleurs le roi la plupart du temps, oui. mais que là, en l'occurrence, on l'a accusé d'être l'auteur de ces quatre vers, ou en tout cas d'être l'inspirateur de ces quatre vers, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, ça a accéléré cette chute alors qu'il était au pouvoir depuis 36 ans, Robert Danton. Oui. On se dit, mais c'est énorme, parce que tout compte fait, quatre vers qui accélèrent la chute d'un homme oui. politique aussi important. Ça, c'est là où vous commencez l'enquête, pourrait-on dire, sur cette affaire des 14 et sur cette idée de ce que représentaient, dans le Paris de l'époque, ces petits billets qu'on avait écrits, où on recopiait des vers séditieux et qu'on apprenait par cœur parfois, ou qu'on chantait dans des cabarets ou au café pour le dire à d'autres et le faire se propager dans l'ensemble de la capitale. Oui, alors dire que une chanson a fait culbuter le grand ministre Maurepas, c'est simplifié, bien sûr. Puisque... C'est un contexte politique. Oui. Et en fait, il y avait la rivalité de deux partis au cœur de Versailles, le parti dit dévot, dont le chef était Maurepas, l'autre parti qui commençait à monter autour du comte d'Argenson et de Madame de Pompadour. Et Maurepas s'entendait mal avec la Pompadour, donc il y avait des combines. Mais en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la chute de Maurepas en soi, c'était déjà assez bien connu, mais quelque chose qui échappe à la recherche historique, je veux dire la communication orale. Parce que il y avait des bruits publics, il y avait toutes sortes de commérages sur les événements, mais cela, normalement, disparaissait dans l'air. Mmh. Mais alors, vous avez trouvé, comme d'ailleurs, d'un autre côté, Arlette Farge a tenté de le faire dans certains de ses travaux, oui. vous avez trouvé les échos, pourrait-on dire, oui. de ces voix du XVIIIe siècle dans des archives de police, souvent. Exactement. À la Bastille, et autour d'une affaire qu'on va résumer dans un instant, l'affaire des 14, qui est une histoire de petits billets, comme cela, de chansons séditieuses, que la police, très consciencieusement, remonte une file de billets, juste pour tenter de savoir qui sont les auteurs de ces petits billets en 1749, Robert Danton. Oui. Et en fait, cela a commencé par hasard, puisque je fouillais dans les archives de la Bastille. Et par hasard, je suis tombé sur un dossier énorme avec le titre « L'affaire des 14 ». Qu'est-ce que c'était ? C'est presque du Balzac. C'est assez balzacien, en fait, mais je n'avais jamais entendu parler de cela. Donc, j'ouvre le dossier et je tombe sur une enquête policière fascinante. Comment est-ce que les nouvelles politiques, les renseignements se diffusaient à Paris? Ça, c'est ma question principale, et notamment dans des réseaux oraux. Alors, la police, le lieutenant général de police, a reçu un ordre presque directement du roi, « Trouvez-moi l'auteur du poème qui commence par ces mots. « Monstre dans la noire furie ». C'est tout ce qu'ils savaient. Il fallait trouver l'auteur. Ils avaient beaucoup d'espions, bien sûr. Certains disent qu'il y avait jusqu'à 3000 espions de police dans tous les cafés, les bistrots. Ce qu'on appelait les mouches, c'est ça ? Les mouches, puisqu'ils bourdonnaient comme les mouches autour des mauvaises langues des cafés. Et après quelques semaines, il y avait une note gribouillée sur un bout de papier. « Monseigneur, j'ai trouvé quelqu'un qui a les vers. » Et je donne même dans le livre une reproduction de cette note. Le facsimilé de cette note, effectivement. Et donc, on a l'indicateur, pourrait-on dire, de police qui va faire remonter le lieutenant de police vers le premier maillon d'une chaîne qui va être une chaîne de 14 personnages, c'est cela, Robert Danton? Exactement. Et en fait, il s'agissait d'un étudiant en médecine qui s'appelait François Bonis. Alors, interrogatoire de François Bonis dans la Bastille. J'aime beaucoup les interrogatoires puisque c'est comme un dialogue. Question-réponse, question-réponse, signature du prisonnier en bas de la page. Et on a dit à Bonis, on va vous traiter comme l'auteur de ce poème à moins que vous ne disiez de qui vous l'avez reçu. Et lui explique qu'il a reçu d'un prêtre à l'Hôtel Dieu qui est arrêté le lendemain, qu'il a reçu d'un autre, etc. Ainsi de suite. François Bonis, Jean-Édouard, Hinguimbert de Montange, Alexis Dujast, Jacques-Marie Allaire, Denis-Louis Jouret, Lucien François de Chauffour, Varmont, etc. etc. Oui. Et donc la police, jour après jour, trouve, remonte le fil de ces poèmes séditieux donc, qui condamnaient l'exil de M. de Maurepas. Exactement. Et quand ils sont arrivés à Allaire, qui était un étudiant aussi, lui dit « Oui, j'ai reçu le poème d'une autre personne, mais en même temps, j'ai reçu trois autres poèmes. » Séditieux aussi. Séditieux. On n'utilise pas le mot, puisque c'était des étudiants, des clercs de notaire, des clercs de procureur, quelques jeunes prêtres, etc. Et c'était courant, tout le monde improvisait des vers. Ils ne comprenaient pas où était le délit, quel problème. Mais en fait, finalement, la police a déterré 6 poèmes qui étaient lus à haute voix, mémorisés. Il y en avait même un qui a été déclamé par un professeur à l'Université de France, Pierre Sigorgne, personnage fascinant. Et il mémorisait beaucoup des 80 vers. Oui, étonnant, ce pouvoir de la mémoire à cette époque-là qui était très développé. Alors, il mémorise, ce Pierre Sigorgne, certains de ses vers. Autour de lui, il y a un certain Turgot, qui n'est pas encore le Turgot qu'on connaîtra avant la Révolution française, oui, mais oui. Il y a aussi, par l'intermédiaire du Turgot, une autre personnalité, Denis Diderot, qui lui est arrêté en même temps que ce Sigorgne en 1749, mais pour autre chose, pour sa lettre sur les aveugles. Oui. Et vous décrivez ainsi une sorte de milieu qui, entre philosophe et prêtre, universitaire, étudiant en médecine, est un milieu qui ne cesse d'avoir des rumeurs qui partent dans Paris, des rumeurs qui sont relayées par ces poèmes écrits pour se moquer du roi ou de la maîtresse du roi, Madame de Pompadour. Oui, donc tout un milieu qui était comme baigné dans la contestation. On appelait ça les poissonnades, c'est ça, quand on s'attaquait à Madame de Pompadour, parce qu'elle s'appelait Poisson. Elle s'appelait Poisson, elle habitait rue de Richelieu quand elle était petite, etc. On peut voir le balcon de Madame de Pompadour près de l'ancienne Bibliothèque nationale. Donc ces vers-là, j'y vois l'esprit français contestataire, drôle, un peu très salé, n'est-ce pas, grivois. J'adore ces poèmes et c'était des succès des médias de l'époque, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est ce sur quoi vous arrivez dans votre affaire des 14. Vous ne restez pas justement à la simple description de ce travail de police qui vous fascine, parce que vous dites tout compte fait, comme après Carlo Ginzburg, que le travail de l'historien n'est pas très éloigné, le oui, paradigme indiciel. Oui, je partage la vie voilà. De Carlo, exactement. Donc, pas très éloigné de la question de la police, on remonte un fil comme ça. Alors, vous vous intéressez à ça, mais ce qui vous intéresse là-dedans, c'est la façon dont l'information circule dans ce Paris de l'époque. Oui. Moi, j'ai découvert qu'on pouvait déposer des petits libelles écrits sur un petit papier griffonné sur les bancs des Tuileries et que c'est ainsi, anonymement, que circulaient des quatrains contre le roi ou contre Madame de Pompadour. C'est-à-dire que tout le monde avait dans sa tête un répertoire d'air, un répertoire. Ce qu'on appelait musical. Le timbre. Le timbre. Les timbres, tout le monde les connaissait. Et je trouve dans les manuscrits des références à ces timbres. Et c'est toujours sur l'air 2. Voilà. Et j'ai commencé, après avoir découvert le dossier de l'affaire Louis XIV, à faire des recherches plus systématiques dans ce qu'on appelle des chansonniers. Les chansonniers, vous avez une collection magnifique à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. J'en ai lu des centaines. Sont des collections de ces chansons, c'est cela ? On collait ces petits bouts de papier. Quelle était la strophe la plus récente contre la Pompadour, contre le chancelier d'Aguesseau, contre le ministre de la guerre, etc. Et il y a des références qui me permettent de dater les strophes. On peut ainsi suivre l'évolution d'une chanson. Une génétique ou une généalogie du texte. Oui. Par exemple, j'ai trouvé 9 versions d'une chanson très, très populaire. Et dans certaines versions, il y a des allusions à des événements qui ont été beaucoup plus tard. Donc, on suit, pour ainsi dire, l'évolution de l'esprit général, de l'opinion publique. Et ce qui est fascinant, à mon avis, c'est la capacité des Parisiens d'improviser des vers. Puisque ce n'était pas si difficile que ça, hein. C'était des ballades assez simples. Et chaque jour, on créait des strophes nouvelles sur des airs connus. Seulement, quand je lis « Sur l'air de la béquille du père Barnaba », ça ne me disait rien du tout. Aucune idée de ce que c'était que la musique. Mais ça ouvrait une autre dimension de la recherche historique parce que je vois ces chansons comme des palimpsestes sonores. Parce que les mêmes airs servaient à d'autres strophes, sur d'autres événements. Et est-ce que chez le public, il y avait association entre toutes les versions, etc. Donc une sorte d'amplification sonore d'un message. Alors, mais il fallait trouver la musique. On parlera dans l'émission de demain, puisque nous faisons une semaine sur l'histoire des sensibilités dans la fabrique de l'histoire, on parlera dans l'émission de demain des travaux d'Arlette Farge, de son idée de faire ressusciter. Mais vous dites bien vous-même que c'est une recréation, parce qu'on ne se plongera jamais véritablement dans cet univers sonore du XVIIIe siècle. On en a quelques bribes qu'un bon lecteur d'archives comme Arlette Farge ou comme vous-même, Robert Darnton, peut voir surgir et qui disent quelque chose de la langue, de la façon, de l'accent, du chant. Oui, les sons. Les sons. Et Arlette Farge a fait tout un livre sur les sons du passé. Elle dit, bien sûr, on ne peut pas entendre directement les sons du passé, mais dans le cas des chansons, les airs, c'est déjà quelque chose. Les timbres, on peut suivre à peu près la sonorité. Pourtant, il faut interpréter en chantant. Et heureusement, il existe au département de musicologie, donc d'autres archives, des clés. Donc, je regarde sous la béquille du père Barnaba. Et là, je trouve l'annotation musicale. Et heureusement, Hélène Delaveau a bien voulu enregistrer les chansons. Alors, la version d'Hélène Delaveau, qui a une très belle voix, etc., c'est sans doute très loin de la version chantée au Pont Neuf ou au Quai des Augustins, puisque c'était des chanteurs de rue assez primitifs. Mais d'autres chantaient peut-être mieux. Paris était baigné dans la chanson. Mmh. Et la chanson improvisée était une sorte de journal chanté, journal musical. Alors, il faut dire à nos auditeurs que cette affaire des 14 est tout à fait régalante dans la collection NRFSC chez Gallimard, mais que vous publiez en même temps un deuxième livre. Alors là, je me dis, comment fait Robert Darnton ? Alors, c'est vrai que c'est un livre qui est inédit, d'autant plus inédit qu'il paraît d'abord en français avant de paraître chez vous aux États-Unis, Robert Darnton, et qui est sur la censure. Ce sont des conférences que vous avez données à la British Library autour de trois cas de censure. L'un concerne votre 18e siècle favori, un autre concerne un autre univers puisque c'est l'univers indien, et le dernier c'est l'univers dont on parlait la semaine dernière, de ce bloc soviétique et de la façon dont on censurait à l'intérieur du bloc soviétique. Je voudrais qu'on dise deux mots de ce livre qui est tout à fait passionnant, qui part d'un postulat: tout censeur est proche du censuré d'une certaine façon. Et ça, c'est très étonnant parce qu'on imagine, c'est vrai qu'avec un film comme La vie des autres, on a cette idée qu'il y a cette proximité physique et quasiment presque amicale du surveillé et de celui qui surveille. Mais là, vous entrez dans ce livre de la censure chez Gallimard, dans cette question de la censure, en disant tout compte fait, au XVIIIe siècle, par exemple, eh bien, Malesherbes, qui était censeur, étaient très amis de certains des philosophes et ils écrivaient en commun la façon dont il fallait présenter le dossier pour qu'il ne soit pas repoussé par la censure. Oui, donc on peut dire que les censeurs, surtout en France au XVIIIe siècle, étaient presque des collaborateurs des auteurs. Et j'ai passé beaucoup d'années à étudier les archives de la censure, la direction de la librairie sous Malesherbes. C'est vraiment passionnant parce qu'ils échangeaient des notes, des lettres, etc. Et on peut suivre le discours à l'intérieur de la censure. Et ce qui est surprenant, on voit rarement un censeur qui veut réprimer les hérésies contre l'Église ou des audaces qui attaquent l'État. Ah non, ça, on le trouve presque jamais. Au contraire, des censeurs qui se plaignent du fait que tel texte est mal écrit. Le style est mauvais. Un certain censeur dit « Je défends l'honneur de la littérature française ». C'était des gens de lettres qui connaissaient les auteurs. Et c'était tout un monde, tout le monde se connaissait, etc. Donc, le censeur donnait son approbation pour que tel texte reçoive un privilège et pouvait être imprimé. Oui, vous expliquez qu'il y a une négociation et que, tout compte fait, on est assez proche des travaux de Milan Kundera quand il fait la plaisanterie, par exemple. Voilà. Comment on négocie avec son censeur? Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Qu'est-ce qui est autorisé? Jusqu'où peut-on aller? Et vous expliquez qu'il y a cette négociation permanente. On en a vu, par exemple, un exemple avec Mikhaïl Bulgakov quand il proteste contre l'interdiction faite par le régime stalinien de certains de ses textes. Il appelle directement Staline lui-même, qu'il connaît, pour lui dire « Mais pourquoi vous m'interdisez? Pourquoi ne pourrait-on pas me laisser publier ceci ou laisser publier cela ?» Et cela, c'est au cœur de votre travail, Robert Danton. Oui, ayant donc étudié le travail des censeurs, puisque je veux savoir comment ils ont travaillé au jour le jour, d'une façon très précise, ayant fait ce travail sur la France du XVIIIe siècle, il se trouvait que j'étais à Berlin à l'époque de la chute du mur. J'ai passé une année et j'ai pu contacter deux censeurs qui ont bien voulu me parler, je pense, assez ouvertement de leur travail. Je ne faisais pas de chasse aux sorcières, je voulais savoir ce que c'était que la censure chez eux. Et cette conversation qui était fascinante, dans leur bureau, ils n'avaient jamais vu le Berlin Ouest. Ils étaient assez stupéfaits qu'un jeune Américain arrive dans leur bureau. Et la conversation a commencé de la façon suivante. Ils m'ont dit « Mais vous avez la censure chez vous, monsieur, c'est le marché ». Bon, ça, je connaissais ce discours marxiste et j'ai dit « Bon, oui, bon, je veux bien, mais vous êtes censeur. D'après vous, quelle est la censure pratiquée dans la RDA ?» Et Hans-Jürgen Wiesner, un des censeurs, m'a répondu de la façon suivante, dans un mot, la planification. Il fallait planifier la littérature comme toute autre chose dans une société socialiste. Et puis, il tire d'un tiroir le plan pour la littérature est-allemande de l'année 1990, une année qui n'a jamais existé à cause de la chute du mur. Il me l'a donné avec d'autres documents et on voyait de près quel était ce travail de planification. Donc, il était fier de construire le socialisme au visage humain, comme il disait, bien sûr. Et il voyait la littérature dans l'Allemagne de l'Ouest, et notamment aux États-Unis, comme une littérature décadente, commerciale, etc. Donc, encore une fois, les censeurs étaient fiers de leur travail et ils voyaient la censure comme une chose positive. C'est ce que vous racontez dans De la censure, essai d'histoire comparée, qui sort exactement en même temps que l'affaire des 14, Poésie et police et réseaux de communication à Paris au XVIIIe siècle, chez Gallimard, dans la collection NRFSC. Un dernier mot, très, très bref, malheureusement, on aurait voulu rester plus longtemps avec vous, Robert Darnton. Sur le site que vous avez lancé, robertdarnton.org, qu'est-ce qu'on y trouve, ce grand site sur la librairie au XVIIIe siècle ? Eh bien, je viens de lancer ce site de libre accès pour que le lecteur, surtout les lecteurs français, puissent avoir accès à des informations sur tout le monde du livre, c'est-à-dire les auteurs, les éditeurs, les libraires, les typographes, même les contrebandiers. Et je mis des centaines de lettres de tout ce monde-là à la disposition de mes lecteurs. On y trouvera aussi 500 rapports de la police secrète sur les auteurs. Vous y trouverez Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, entourés de tout un monde de pauvres diables qui vivaient plus ou moins mal de leur plume. Des diables boiteux, puisque c'était le titre de vos précédents livres, Robert Darnton. Merci à vous et je rappelle le nom de votre site, donc pour nos auditeurs qui sont évidemment curieux après vous avoir écouté, Robert Darnton tout attaché, robertdarnton.org, robertdarnton.org. Il est 9h33 sur France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, l'émission d'Emmanuel Laurentin, avec aujourd'hui, avec nous, eh bien, Perrine Kervran, qui a préparé toute cette semaine avec nous, et nous débutons une semaine sur l'histoire des sensibilités avec l'historien Georges Vigarello. Commençons cette deuxième partie de notre émission de ce lundi par un extrait du documentaire de demain, une promenade dans le Paris du XVIIIe siècle, le Paris sonore du XVIIIe siècle, avec une historienne qui a travaillé justement sur ces sons, Arlette Farge. Tendons donc l'oreille aux voix du XVIIIe siècle. Les immeubles sont très bruyants parce que, en fait, les appartements ou les logements donnent les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte d'entrée. C'est-à-dire que lorsqu'on est au premier étage, on peut faire tout le premier étage, tout le long du premier étage. Ce sont plusieurs logements, mais on va de pièce en pièce sans qu'il y ait de rupture comme nous connaissons, ce qui donne une promiscuité extrêmement grande, provoque des disputes et donne une vie qui est vraiment très très particulière, où il y a autant, je dois dire, de promiscuité, mais que de solidarité aussi. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut jamais présenter tout ça comme une apocalypse. Ce sont des manières de vivre et le problème, c'est de pouvoir garder une intimité, mais c'est même le mot que je dis là n'existe, est faux, parce que le mot intimité n'existe pas. En fait, on vit dans la rue, on vit dans l'espace public, et il n'y a aucun moyen, en fait, de garder un secret, ce qui pose beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des problèmes de réputation, des problèmes d'honneur, et les rumeurs enflent. C'est l'étonnement d'ailleurs de la police qui est jamais prête d'ailleurs à réagir, c'est la rapidité des rumeurs et les cris à ce moment-là. Il y a aussi beaucoup de disputes dans la rue et auxquelles tout le monde participe. Oui, la violence est presque une manière de vivre, j'allais dire, parce que les disputes sont très fréquentes. Et les conflits domestiques sont sans doute les plus impressionnants, moi je crois, dans les archives. Et je sais que quand on avait travaillé avec Michel Foucault sur le désordre des familles, ces disputes-là, à lire dans les archives, sont particulièrement violentes, particulièrement dures, parce qu'il y a l'ivresse, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi la débauche, et puis il y a les mauvais traitements, des maris contre les femmes, beaucoup plus fréquents, qui sont des mauvais traitements, d'une brutalité, voire atrocité assez grande. Voilà un extrait du documentaire que nous entendrons demain, documentaire que vous avez signé, Perrine Cavran, avec Renaud Dalmar donc, et Arlette Farge, en promenade dans le Paris du XVIIIe siècle, autour de ces sons du Paris du XVIIIe siècle, et qui donc rentre dans une semaine sur l'histoire des sensibilités. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que vous entendez par là ? Alors, ce que j'entends, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est communément admis, donc, c'est effectivement l'histoire donc, des sentiments, bien sûr, mais aussi des sens, aussi de l'usage public, des émotions, par exemple, des dégoûts. Voilà, donc ça peut être une histoire de la peur, ça peut être une histoire... Alors, on pense souvent à Alain Corbin, bien sûr, quand on parle d'histoire des sensibilités. Donc, ça peut être effectivement une histoire des odeurs, une histoire de la sensibilité au bruit. Voilà, donc c'est... Mais vous êtes parti d'un numéro d'une revue, donc la revue 20e siècle, qui sort pour ses 30 ans, un numéro spécial autour de cette histoire des sensibilités. Voilà, donc qui fait le bilan de l'histoire des sensibilités et surtout des origines de cette école historique. Et puis, qui veut inciter les historiens du 20e siècle à s'y pencher. Parce que c'est vrai que c'est surtout les historiens du 18e et du 19e siècle qui se sont penchés sur cette discipline. Alors, ce serait peut-être intéressant justement de comprendre pourquoi ce sont surtout ces historiens-là. Donc, on peut penser évidemment à Georges Vigarello qui est avec nous aujourd'hui, qui travaille aussi beaucoup sur ces questions. Et donc, on va recevoir bien sûr les gens qui ont réuni ces articles pour la revue donc 20e siècle. Ce sera jeudi. Voilà, ça. Ce sera jeudi. Et puis, mercredi, on évoquera donc l'exposition qui est en ce moment à l'Historial de Péronne, qui est consacrée au son de la guerre de 14, donc à travers la musique qui est composée, chantée, jouée à l'époque, mais aussi à ce que l'on sait du bruit et du son de la guerre dans les tranchées et de sa perception par les soldats. Et donc, mardi, donc on l'a écouté. Donc c'est une promenade autour du livre d'Arlette Farge qui était consacré aux voix, à la place de la voix dans la ville. Et pour ouvrir cette semaine, nous avions choisi donc le dernier livre de Georges Vigarello, Le sentiment de soi, donc Histoire de la perception du corps, qui paraît aux éditions donc du Seuil dans la collection L'Univers historique Perrine. Voilà, et donc Georges Vigarello a travaillé beaucoup donc sur l'histoire du corps, sur la perception du corps, sur l'histoire de la silhouette, de l'obésité, mais aussi de la virilité, sur des questions d'hygiène aussi, à travers donc vos travaux sur le propre et le sale, sur les notions de beauté ou de laideur. Et là, c'est encore un autre stade de vos travaux sur le corps, puisque c'est à l'histoire de la perception de son propre corps à laquelle vous attachez, en vous basant beaucoup sur des sources médicales. Alors ça, ce qui est assez intéressant, parce qu'on n'a pas forcément accès à ces sources aussi facilement dans les ouvrages historiques, mais aussi sur des sources philosophiques ou littéraires. Et puis la force du livre, c'est votre manière de questionner ce qui nous paraît évident aujourd'hui et d'en faire l'histoire, les étapes, ce qui, de l'âge classique à maintenant, on fait, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, qu'on est passé du « je pense donc je suis », que tout le monde connaît, au « je sens donc je suis », qui est un des axes de votre livre. Et à la certitude qu'en prenant soin de son corps, on peut faire du bien à ses états d'âme. Et donc, dans ce livre, vous tentez de retracer les cheminements comme une histoire des mentalités et des perceptions qui ont permis d'aboutir à une représentation de l'intime. Voilà. Peut-être que vous pouvez nous dire comment vous avez eu l'idée, l'envie de travailler sur l'émergence de ce sentiment de soi et de la perception qu'on a de son propre corps. Mais vous savez, comme dans beaucoup de mes livres, en fait, je pars des questions qui se posent aujourd'hui. Et c'est ça qui me paraît intéressant en histoire. C'est-à-dire voir comment, à partir des questions d'aujourd'hui, on peut interroger l'histoire sur un mode auquel on ne s'attend pas spontanément. C'est-à-dire finalement créer des objets historiques qui deviennent historiques alors qu'on n'y pensait pas. Mais on y pense parce qu'il se passe aujourd'hui des choses nouvelles qui nous paraissent mériter de l'attention. Alors je m'explique en un mot. Qu'est-ce que c'est qui est fort et nouveau aujourd'hui ? C'est le sentiment qu'en écoutant son corps, on se connaît mieux, on peut éventuellement aussi se transformer, on peut agir en quelque sorte profondément sur sa propre personne à travers tout un ensemble de pratiques qui sont bien connues, le yoga, la gymnastique douce, la thalassothérapie, etc. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se demander comment ce type de question a pu exister, comment ce type de question a pu naître, et comment finalement transformer en histoire ce qui jusque-là n'est pas considéré comme historique, dans la mesure où très souvent aujourd'hui on dit, finalement le corps c'est l'invention de notre génération. Vous voyez, vous trouvez ça dans ce livre magnifique de Daniel Pénac, Journal d'un corps, il dit, bah oui, on a inventé le corps aujourd'hui. Donc, est-ce que ce type de question peut effectivement exister historiquement. Alors, pour éclairer nos auditeurs, expliquez-nous pourquoi, selon vous, c'est ce que vous racontez dans ce livre sur le sentiment de soi, le XVIIIe siècle, dont on parlait avec Robert Danton il y a un instant, dont on parlera encore demain avec Arlette Farge, est un moment charnière, justement, entre une perception, un type de perception du corps qui le précède et un type de perception du corps qui, d'une certaine façon, est notre généalogie directe depuis le XVIIIe siècle. Oui, c'est effectivement une question centrale. D'abord, il y a les textes. Les textes montrent qu'il y a une façon de parler de l'intériorité au XVIIIe siècle qui est complètement nouvelle. Quand Diderot dit « lorsque j'imagine que, lorsque dans un rêve ou dans une pensée, j'imagine que mon corps devient différent, c'est moi-même qui souffre ». Et il donne des exemples de malades qui, en pensant par exemple que leur corps peut se rapetisser jusqu'à passer par le trou d'une aiguille, s'affolent, deviennent complètement, je dirais, exaspérés, vous voyez, alors qu'auparavant, ça n'existait pas. De même que vous avez, dans l'encyclopédie par exemple, tout un ensemble de phrases qui disent, au fond, il y a un sixième sens. On n'en parlait pas auparavant, on n'a pas besoin de sixième sens. Il y a un sixième sens qui porte sur la façon dont on s'éprouve. Par exemple, il ne faut pas omettre un autre genre de sensation plus pénétrante, pour ainsi dire, rapportée à l'intérieur de notre corps, occupant même quelquefois toute l'habitude, cette multitude de sensations confuses qui ne nous abandonnent jamais, qui nous circonscrivent en quelque sorte à notre corps, qui nous le rendent toujours présent. Ça, c'est complètement neuf. Alors pourquoi ? Il faut répondre au pourquoi. Personnellement, je pense qu'on peut expliquer cette nouveauté de la manière suivante. Il y a un recul au XVIIIe siècle, de ce que j'appellerais la surnature. Il y a un recul aussi de la notion d'âme. L'individu se définit moins par quelque chose qui serait au fond de l'ordre du sublime, de l'ordre du surnaturel, de l'ordre du transcendant. Il se définit beaucoup plus par sa propre enveloppe, le lieu dans lequel il existe, sa liberté dépendant de lui et ne dépendant pas nécessairement de décisions prises à l'extérieur, son existence dépendant de lui et non pas de force venue d'ailleurs, par exemple, je ne sais pas, l'astrologie, etc., vous voyez, il se déprend de cela. Il se déprend de forces qui jusque-là le commandaient. Et ces forces viennent maintenant absolument de son intériorité. Ça change tout. Oui, ça change la façon dont on s'interroge sur soi-même, ça change la façon dont on s'éprouve, ça change la façon dont on est curieux à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Et donc là, il y a une bascule totale qui me paraît fondamentale parce qu'elle est à l'origine de ce que nous sommes. Vous dites, Georges Vigarello, que, en fait, jusqu'à ce XVIIIe siècle, selon vous, les sens étaient extérieurs. On les considérait comme extérieurs. Ils permettaient de percevoir le paysage extérieur. C'était l'odorat, c'était tous les sens que l'on connaît, bien évidemment, le toucher, etc. Mais que jamais les sens étaient intériorisés. Exactement. Et que c'est ce qui se passe c'est au XVIIIe siècle. C'est là la bascule. Voilà. Alors, si vous voulez, la tradition, pour dire vite, celle qui précède en quelque sorte le XVIIIe siècle, celle aussi de la tradition classique, insiste sur la notion de sens extérieur. Quand vous lisez le dictionnaire d'Antoine Furtière, le dictionnaire universel de la langue française, qui concurrence le dictionnaire de l'Académie, vous voyez que les sens, c'est l'extériorité. Et quand vous lisez les textes qui définissent ces sens, ils les présentent comme des satellites, comme ceux qui surveillent le monde, ce qui nous permet à la fois de le connaître, ce monde, et de nous en préserver parce qu'il nous menace. Donc, on pourrait lire, vous voyez, les yeux, ils sont posés en haut de la tête comme des sentinelles. Les oreilles sont placées à droite et à gauche comme deux autre sentinelle, ainsi de suite. Et puis, brusquement, l'encyclopédie, j'y reviens, dit « Oui, mais attendez, ce qui se passe à l'intérieur, c'est extrêmement important, parce que ça nous définit, parce que c'est cela qui explique ce que nous sommes, c'est ça qui peut à la fois expliquer notre morale, qui peut expliquer nos idées, bref, qui nous identifie. Et ça, c'est fondamental comme déplacement, et je pense qu'on ne l'a pas suffisamment étudié, parce que ce qu'on étudie sur le XVIIIe siècle, c'est effectivement la sensibilité, c'est l'homme sensible, c'est-à-dire l'homme qui est plus alerté par l'extérieur. C'est Rousseau. L'odorat qui devient brusquement important alors qu'il ne l'était pas, les bruits, par exemple, qui deviennent beaucoup plus importants, alors la ville, qui devient beaucoup plus menaçante, alors que l'on ne le pensait pas. Et on oublie qu'en même temps, ce qui se déplace et qui devient central, c'est ce qui vient de l'intérieur. Perrine Cabran. Oui, vous dites que c'est à ce moment-là, Georges Vigarello, qu'émerge aussi le sentiment de soi et que même c'est ce terme qui apparaît à ce moment-là. Alors, il y a plusieurs thèmes qui émergent et je pense que s'intéresser aux termes, lorsque l'on s'en travaille sur le corps, c'est très important, contrairement aux apparences. Il y a plusieurs thèmes qui apparaissent. D'abord, il y a ce sentiment de l'existence, c'est-à-dire le fait que le sujet éprouve autrement et plus fortement ce qui lui arrive, à la fois de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Il y a un sentiment de l'existence. Il y a une deuxième notion qui émerge et qui est très présente chez Diderot et qui me paraît absolument fondamentale. C'est plus la notion d'âme, mais c'est la notion de soi, au sens où le soi devient un substantif. C'est plus un pronom. C'est plus fais attention à toi ou à soi, ou attention à ce que tu portes sur soi, ou ce que l'on porte sur soi. C'est plus ça. C'est le soi comme étant le lieu où vient converger à la fois ce qui était de l'ordre de l'esprit et de l'âme, la mémoire, l'entendement, l'imagination, mais en même temps, ce qui vient de l'intérieur. Et ça, c'est très original, je trouve, chez Diderot, on n'a pas suffisamment souligné. Il y a une manière de faire exister un substantif qui, jusque-là, n'avait pas du tout cette profondeur et cette signification. Donc, il y a des termes. Il y en a d'autres, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a le sentiment de soi, qui naît aussi à la fin du XVIIIe siècle. Et au fond, il me semble que ce que l'on pourrait qualifier comme étant une découverte, c'est une découverte d'être. On est attentif à la respiration. On pense autrement à la respiration. On est attentif à l'ordre des nerfs, vous voyez, la tension nerveuse. On est attentif aux palpitations, aux suffocations, au fait que la respiration vient nous saisir brusquement comme étant un lieu de suffocation. Et ça, c'est une manière nouvelle aussi de s'analyser. Oui, d'ailleurs, vous, dans votre livre, il y a beaucoup d'extraits de correspondances de tous ces auteurs du XVIIIe siècle qui décrivent leur état, et on sent qu'il y a effectivement une attention très forte portée aux états du corps. Par exemple, les fatigues et les peines souffertes m'ont donné des contractions de nerfs, vous voyez, chez quelqu'un comme Condorcet, où vous avez aussi l'attaque de nerfs également, où vous avez chez Madame d'Épinay des passages magnifiques, par exemple, il me prit une espèce de suffocation qui me rendit l'estomac si douloureux que je ne pus rien souffrir sur moi. J'avais une si violente palpitation qu'à peine je pouvais respirer. Donc là, le sujet est saisi d'une manière qui est totalement, à mon avis, nouvelle. Juste une question, Georges Vigarello. En quoi est-ce différent de ce qu'on a lu dans la littérature des grands classiques, chez Molière ou ailleurs, quand ils s'en moquent, de ces femmes qui, à la cour, demandent des selles, par exemple, lorsqu'elles sont trop émues? Oui. Est-ce que c'est déjà les prémices de ce que vous allez décrire pour le XVIIIe siècle, ou est-ce que c'est différent de ce qui se passe au XVIIIe siècle? C'est une question très importante qui m'a beaucoup préoccupé sur le livre, pour tout vous dire, effectivement. Parce que la question, c'est comment trouver la rupture. Or, quand vous lisez, là encore, les correspondances, je pense par exemple à Madame de Maintenon, je pense évidemment à Madame de Sévigné. Quand vous lisez les correspondances, il y a une présence très forte dans ce qui est dit, ce sont les vapeurs. Autrement dit, c'est au fond le fait d'être saisi par ce qui est de l'ordre, c'est très compliqué, hein, qui est de l'ordre d'une donnée physique liée à l'évaporation des liquides intérieurs qui viennent assaillir le cerveau. On est encore dans une médecine galénique. On est dans une médecine galénique, on est dans une médecine des humeurs, et ces humeurs sont supposées, au fond, devenir de plus en plus vaporeuses, pour utiliser leurs mots, et atteignent le cerveau. Mais la description, dans une grande mesure ici, elle est physique, et en plus, elle est un petit peu théâtralisée, vous voyez, elle est un peu extériorisée, un peu comme si on évoquait la manière dont, dans le corps, des choses se produisent pour être quasi visualisées. Alors que la description qui est proposée au XVIIIe siècle, c'est ce qui est vraiment éprouvé physiquement. Ce n'est pas une description physique, c'est une description du ressenti. Ce qui me paraît personnellement à la fois délicat comme différence, mais en même temps fondamental comme différence. Alors, on passe très rapidement, c'est ce que vous expliquez, entre cette fin du XVIIe siècle et le début du XIXe siècle à autre chose, puisque évidemment la médecine de l'après-révolution française va profondément renouveler ça. Vous nous faites de très belles pages sur l'ANEC et sur sa découverte de la phtisie grâce au stéthoscope inventé, je crois, en 1819. Enfin, en tout cas, il l'utilise en 1819, lui. Dans son livre. Voilà, et d'une certaine façon, là, il s'aperçoit qu'il y a effectivement des mots intérieurs, qu'on peut les décrire et qu'on peut les entendre de l'extérieur. Alors, ce qui se passe au 19e siècle, oui, votre question est très importante. Ce qui se passe au 19e siècle, c'est quand même deux choses. C'est d'une part l'accentuation de l'interrogation sur l'intériorité, et avec même la tentative, au fond, de découvrir de nouveaux espaces pour cette intériorité. Il y a vraiment une curiosité, au fond, pour l'extrême. Et brusquement, vous avez des préoccupations nouvelles. Par exemple, on parle autrement de la vitesse. La vitesse devient quelque chose qui est passionnant parce qu'elle nous fait éprouver des choses. On parle autrement du rêve. Il y a des pages absolument magnifiques chez certains auteurs sur le rêve. Si vous permettez, je vous les cite très rapidement. Par exemple, Bria Savarin. « Il n'y a que peu de mois que j'éprouvais en dormant une sensation de plaisir tout à fait extraordinaire. » Vous n'avez pas ça auparavant. Elle consistait en une espèce de frémissement délicieux de toutes les particules qui composent mon être. Bon, je n'insiste pas. Mais là, il y a vraiment une tentative de découvrir, au fond, des choses nouvelles. Et puis, il y a une deuxième ouverture au 19e, qui est, à mes yeux, plus importante. C'est que ce qui est perçu de l'intérieur peut apparaître comme donnant des informations. Des informations sur le soi. Autrement dit, c'est un lieu, non plus seulement d'être, mais c'est un lieu de connaissance. Et on passe, du coup, de ce que j'appelle une découverte d'être à une découverte de savoir possible. Donc vous avez des auteurs, en particulier comme Cabanis, qui disent, mais si vous vous écoutez... Vous Cabanis, début du 19e siècle. Début du 19e, 1803. La relation entre le physique et le moral. Si vous vous écoutez, vous allez mieux vous connaître. Des auteurs comme Maine de Biran dans son journal. Si vous savez percevoir ce qui vient du dedans, mais vous allez mieux percevoir votre morale elle-même, vos idées elles-mêmes, vous voyez. Donc il y a là la tentative, à mon avis, bien sûr, tout à fait théorique et dans une certaine mesure illusoire, mais la tentative de prendre l'intérieur physique comme lieu possible de connaissance pour la dimension psychologique. Périne Carvan. Oui, d'ailleurs, vous décrivez, Georges Vigarillo, ses journaux intimes, et notamment ses journaux de malades, c'est-à-dire qu'ils tiennent le journal de leur maladie, de leur ressenti, qui leur permet de communiquer avec le médecin, bien sûr, exact. Et puis qui leur permet aussi d'être attentif à leurs symptômes. Oui, parce que brusquement, alors pour revenir à la Hennec est quelqu'un qui parvient à percevoir la phtisie alors que le sujet n'en est pas conscient, mais en même temps, la Hennec se dit, au fond, si j'interroge de manière systématique le patient, je peux peut-être connaître davantage, vous voyez, je peux peut-être précéder encore ce que le stéthoscope me dit. Donc il y a un travail là tout à fait nouveau sur l'investigation systématisée, approfondie de ce que le patient peut percevoir, allant jusqu'à lui demander, mais écrivez ce que vous percevez. Et donc cette création du journal de maladie. Mais il y a une deuxième chose que vous évoquiez aussi qui me paraît importante, c'est qu'à côté du journal de maladie, vous avez la naissance de quelque chose qui est absolument inédit, contrairement à ce que l'on peut penser, qui est le journal intime. Parce que le journal intime, jusque-là, au fond, il est écrit avec l'idée qu'on peut le communiquer, il est écrit pour connaître mieux ce qu'est l'homme, si vous voulez. Mais le journal intime du début du 19e siècle, c'est un journal qui est fait pour mieux se connaître soi-même. Autant au sens où il s'agit vraiment de l'approfondissement du sujet, quitte à ce que le journal ne soit pas lu. Et c'est la création aussi, racontée par Jacqueline Carroix, qui travaille comme vous à l'École des études en sciences sociales, Georges Vigarello, du journal de rêve aussi. C'est-à-dire qu'on se réveille la nuit pour pouvoir noter ses rêves, comme on se réveille la nuit pour pouvoir noter ses maux de ventre, comme celui qui, en 1845, s'adresse à Paul Gaubert, oui, justement pour lui dire, voilà, je me les réveille tous les jours, etc. Entre 3, 4 et 5 heures du matin, je me réveille avec des borborygmes qui m'empêchent de dormir, je ne sais plus quoi faire, mes pensées viennent en foule, et les pensées font forcément, dans ces cas-là, sont des pensées noires. Alors, je trouve très important que vous citiez Jacqueline Carroix, parce qu'elle a écrit un livre absolument magnifique qui s'appelle « Les nuits savantes ». Formidable. Et qui porte sur, précisément, la façon dont, brusquement, au 19e siècle, je pense entre autres à Albert Maury, qu'elle a étudié remarquablement, dont au 19e siècle, on se met à s'interroger précisément sur ses rêves. Parce que ces rêves peuvent nous faire émerger quelque chose. Oui, parce que ce ne sont plus des rêves. Ils peuvent nous apprendre des choses. Ce ne sont plus des rêves prémonitoires, comme dans les civilisations passées, mais ce sont des rêves qui nous disent quelque chose de nous. Oui, c'est ça. Vous voyez, il y a bien plusieurs ruptures au 19e siècle. Et une des ruptures, c'est celle-là. C'est le fait que, en s'interrogeant autrement, brusquement des objets, qui étaient plus ou moins négligés, ou en tout cas qui étaient orientés d'une façon particulière, se mettent à devenir important et se mettre à nous révéler ce à quoi nous ne songions pas. Donc, pour tout dire, on sent insensiblement un Freud qui pointe avec ce début du 19e siècle. Ce qui est passionnant dans ce 19e siècle, c'est qu'on est encore à la croisée des chemins. Il y a encore des connaissances anciennes. Le galénisme dont on parlait tout à l'heure et la médecine ancienne est encore un peu là, même si elle tente à disparaître. Et la médecine telle que nous la connaissons aujourd'hui, pasteurienne, n'est pas encore totalement née. Donc on est dans un moment un peu de trouble où les deux références se croisent. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs là la difficulté d'arriver à marquer des ruptures. Personnellement, je suis confronté effectivement à cette difficulté-là. Mais il n'en reste pas moins. Ce qui me paraît important, c'est l'émergence de nouveaux sujets. Vous voyez, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, qui me paraît tout à fait remarquable en termes d'information culturelle, c'est la drogue. Le fait que les sujets... Thomas Quincy, Moreau de Tours, le livre sur le hashish, Théophile Gautier, le fait que le sujet se mette à s'interroger sur ce qui se produit lorsqu'il consomme de la drogue, parce que ça l'informe sur l'abandon du soi, le fait que le soi sort en quelque sorte de lui-même. Et du coup, il y a un travail sur la frontière, vous voyez ? Il y a un travail sur ce qui vient percuter en quelque sorte le soi, avec une analyse parfois tout à fait remarquable des informations venues de l'intérieur. J'ai une description magnifique chez Gautier sur la manière dont son corps se transforme. Lorsqu'il consomme l'opium avec des étincelles qui le pénètrent, des lumières. Etc. Vous voyez, et ça c'est très important. Périne Carvan. Parce que vous ne le trouvez pas du tout dans les périodes précédentes. Lorsque les personnes parlent de la consommation d'opium, ils restent extrêmement pauvres. C'est une ivresse. Périne. Alors, il y a aussi quelque chose qui est intéressant et qui rejoint justement un livre qu'Arlette Farge a consacré à la question de la douleur. C'est justement cette histoire de la sensibilisation, de la sensibilité à la douleur, de la façon dont elle est utilisée par les médecins et ce que vous développez dans le livre et qui est très intéressant sur la question de l'anesthésie. C'est-à-dire que toute cette question finalement du sentiment de soi, de la perception qu'on a, fait que à la fois la médecine, le patient développe tout un vocabulaire et une attention à la douleur qui est assez ambiguë d'ailleurs. Tout à fait ambiguë parce que c'est contesté. Le fait d'atténuer la douleur chez le patient est parfois contesté par les médecins parce qu'ils disent on n'a plus de repères. Si vous... bon. Mais en revanche, ce qui est important, c'est de travailler sur l'extrême, c'est-à-dire travailler sur la surprise. Donc la vitesse, c'est de la surprise, l'ascension de l'aérostat, la mer aussi. On travaille sur la mer en disant voilà, ça nous fait fondre dans l'espace, on sent le corps autrement. Il y a des pages superbes là-dessus qui sont oubliées aujourd'hui. Et puis, l'extrême, ben, c'est aussi faire disparaître, finalement. Faire disparaître ce qui nous menace, qui est perçu comme trop douloureux, comme insupportable. On a le droit, vous voyez, il y a l'affirmation du sujet. On a le droit de le supprimer. Et évidemment, ça me paraît très important. Et l'anesthésie, c'est une invention centrale au XIXe siècle. Alors, ce qui est formidable avec vous, Georges Vigarello, c'est que tout au long de votre travail, on a cité certains de vos travaux précédents, vous avez travaillé sur le viol, sur le corps, sur l'obésité, sur la nourriture, etc. etc. On a l'impression que vous tissez une œuvre, il faut bien le dire. Et au bout du compte, que chaque fois que vous avez circonscrit un objet, vous partez sur un autre objet. Donc là, vous avez circonscrit le sentiment de soi, vous allez partir sur d'autres objets maintenant. Bah, bien sûr, mais parce que le corps est un lieu absolument infini d'informations. Il recèle des choses que je considère comme extrêmement profondes, même si parfois il recèle des choses illusoires, bien entendu. Mais comment travaillez-vous ? C'est-à-dire que vous avez perçu un petit coin que vous voudriez éclairer en travaillant sur le sentiment de soi. Vous vous dites c'est le moment de s'y mettre pour l'éclairer un peu plus. Votre question est très importante parce que c'est très difficile de l'intérieur de savoir comment évoluent les sujets. Vous voyez comment on fait soi-même évoluer ses propres objets. C'est très difficile de faire une sorte d'analyse, d'introspection. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu le sentiment depuis longtemps que la manière dont on éprouve son corps est beaucoup plus importante qu'on ne le croit. J'ai toujours eu le sentiment que l'histoire ne s'est pas suffisamment interrogée sur ces questions. Et en intégrant ces types de questions, bah, finalement, il y a des portes qui s'ouvrent auxquelles je ne songeais pas. Quand je travaille sur le propre et le sale, brusquement, je me rends compte qu'il y a des informations sur les questions de la santé auxquelles je ne songeais pas. Quand je travaille sur l'obésité, je me rends compte qu'il y a des questions pourtant sur l'intériorité auxquelles je ne songeais pas. Vous voyez, des portes s'ouvrent. Et finalement, au fond, si j'avais personnellement à essayer de, non pas de résumer, mais de réfléchir sur la manière dont j'ai fonctionné, c'est en m'interrogeant sur la façon dont le sujet se perçoit à partir de l'interrogation sur le corps. Merci à vous, Georges Vigarello, d'être venu nous présenter votre dernier livre, Le sentiment de soi, histoire de la perception du corps, dans la collection L'univers historique au seuil. Un livre qui, à mon avis, comme d'ailleurs à l'avis de Perrine Cavran, va faire parler de lui parce que justement, il renouvelle des approches que l'on pensait naturelles, d'une certaine façon, de cette perception de soi. Et là, d'un seul coup, vous l'historicisez. Merci encore, Georges Vigarello. C'est moi qui vous remercie. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Pierrick Monsigny était à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Demain, nous continuons avec vous, Perrine, cette semaine sur l'histoire des sensibilités, avec votre documentaire réalisé par Renaud Dalmar et vous-même, donc, et Arlette Farge, sur les voix, les sons, trouver les sons, écouter les sons de Paris au XVIIIe siècle. Comme d'habitude, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en allant sur le site de France Culture. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours sur le site de France Culture, la télécharger pendant un an après sa diffusion, laisser vos commentaires sur nos pages, mais également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter.